Je reçois aujourd'hui Émilie S. de la coopération Mona Lisa. Bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Alors, comment ça va? Ça va très très bien, merci beaucoup de m'inviter. On a reçu avec grand plaisir votre mail et on est très content d'être là ce matin. Eh bien, avec plaisir. Alors, on va d'abord débuter par présenter la coopération. Oui. Alors, en quelques mots, la coopération, c'est une délégation départementale d'un mouvement qui existe au niveau national. Mona Lisa, en fait, c'est un acronyme. Ça vient de Mouvement National de Lutte contre l'Isolement des Personnes Âgées. D'accord. Et en fait, ce mouvement national, eh bien, il est parti de la canicule de 2003. Donc peut-être que vous vous souvenez de cet événement-là qui a marqué l'opinion publique et qui a été une prise de conscience du nombre de personnes âgées qui vivent seules à leur domicile et qui effectivement sont coupées en fait du reste de la société. D'accord. Donc en fait en 2003, Jean-François Serre a rédigé un rapport pour pouvoir faire un état des lieux de cette population-là hein, qui est aujourd'hui encore isolée, hein, malgré tout le travail qu'on fait, il y a toujours un chantier à mener sur la lutte contre l'isolement de nos seniors. Et ce rapport a été remis à Michel Delaunay, et du coup en 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, la coopération nationale s'est mise en place. Voilà. Au niveau départemental, dans les Vosges, c'est depuis 2014 que cette réflexion-là est en marche au niveau du département pour mettre en place des mesures de lutte contre l'isolement des âgés. Mmh. Et la coopération départementale Mona Lisa Vosges est créée depuis 2018. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, elle est portée par une vingtaine de structures signataires. Et elle est pilotée par deux associations. Donc en fait, Mona Lisa Vosges n'a pas un statut d'association. C'est en fait un groupement de plusieurs associations qui sont convergentes, hein, qui ont toutes effectivement un rôle à jouer auprès des seniors. Et donc moi, ce matin, je vous parle en tant que référente en fait de cette coopération départementale. Mais on est nombreux. C'est pour ça que souvent, je vais dire nous et pas je. Mais c'est parce qu'on est beaucoup à travailler ensemble. Voilà. C'est très bien. Et donc voilà, l'isolement des personnes âgées, on le sait, ça existe depuis de nombreuses années, mais l'accent a été un peu mis avec l'épidémie où là encore, on s'est un peu plus rendu compte de l'isolement de ces personnes âgées du fait qu'on ne puisse pas aller voir les personnes âgées puisque ce sont des personnes à risque. Donc il faut éviter les contacts avec elles. Donc ces personnes se retrouvent encore plus isolées qu'elles ne le sont déjà en fait. Et oui, effectivement, Marion, c'est vrai que nous, on a observé hein, depuis le début de la pandémie et notamment lors du premier confinement en mars 2020, une croissance très très importante du nombre de personnes âgées isolées qu'on a réussi à identifier. Et du coup, pour ça, je remercie tous les acteurs locaux, les salariés des communes, les responsables de CCAS, les référents aussi qui sont vraiment au quotidien sur leur territoire et qui font un vrai travail de maillage et qui, je peux vous raconter tout un tas d'anecdotes, hein, d'élus qui se relayent, qui se sont relayés au téléphone, qui sont passés au domicile des personnes âgées. Et donc nous, on a vu le nombre de personnes âgées isolées identifiées et qui sont du coup suivies aujourd'hui, accompagnées au sein de la coopération exploser. Hein. Avant 2020, on avait une soixantaine de bénévoles sur tout le département vosgien. Aujourd'hui, on a plus de 200 bénévoles 200 bénévoles qui se sont raccrochés pour participer à la coopération et on a plus de 240 personnes âgées identifiées. D'accord, donc voilà, ça fait un peu moins d'un bénévole. On est passé de 50 à 240. Ça fait un peu moins d'un bénévole par personne âgée. Alors c'est ça, parce qu'on a certains bénévoles qui ont le temps et l'énergie pour accompagner plusieurs personnes âgées. Voilà. Donc effectivement, on a des personnes qui ont jusqu'à 3, voire 4 personnes pour certains régulièrement au téléphone. Voilà. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, on a fortement déconseillé les visites à domicile. Mmh. Pourtant, c'est ce qui est au cœur même hein, de la dynamique Mona Lisa. Actuellement, c'est un petit peu différent. Donc, l'accompagnement se fait principalement par téléphone. également par courrier, parce qu'on a certaines personnes qui ont plaisir à recevoir du courrier à leur nom. Et puis, parce qu'on a aussi certaines personnes, tout simplement, qui ont des difficultés d'audition. Mmh. Et c'est une double peine pour ces gens-là, parce que déjà, elles sont isolées physiquement, elles ne reçoivent plus de visites. Si en plus, on ne peut pas les accompagner téléphoniquement, c'est une difficulté supplémentaire à laquelle nous, on essaye de pallier. Voilà. Et on parlait des bénévoles, ça va de quel âge à quel âge vos bénévoles ? Alors on a notre bénévole le plus âgé a 80 ans, figurez-vous. Quand il nous a contactés au sein de la coopération, on pensait que c'était pour se faire accompagner, et en fait pas du tout. Ce monsieur-là a encore beaucoup d'énergie, il a envie justement d'aller vers les autres et il accompagne deux personnes âgées. On a notre plus jeune bénévole qui a 17 ans actuellement, c'est une jeune lycéenne, et on a vu effectivement avec le contexte actuel que la population active, notamment les personnes qui ont dû rester chez elles et qui ont subi en fait le confinement, ont vécu personnellement cette difficulté-là liée en fait à l'isolement, et je pense que ça a permis à pas mal de gens de prendre conscience de ce que c'est réellement que d'être confiné chez soi et d'être isolé, d'être coupé du monde. Mmh. Et donc on a pas mal de personnes qui se sont manifestées pour devenir bénévoles au moment du premier confinement et qui aujourd'hui encore continuent cet engagement-là. Et on a vu des gens qui se disaient « moi je veux donner de mon temps, pour le moment je suis bloquée à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et puis quand le travail est revenu, quand la vie active a repris un rythme un peu plus habituel, et bien finalement ces bénévoles-là sont restés au sein de la coopération. Et à chaque fois on nous fait les mêmes retours, à chaque fois les bénévoles me disent « écoute Émilie, au départ je pensais que ce serait moi qui serais utile et qui pourrait donner de mon temps. » Et puis finalement les retours, les échanges, la relation que j'ai nouée avec la personne âgée que je suis m'apportent énormément, c'est une richesse incroyable, et donc je voudrais surtout pas arrêter ça. Et donc les personnes, même celles qui travaillent aujourd'hui, trouvent sur leur temps le moment pour passer un petit coup de fil, pour envoyer un petit mot aux personnes. Et moi d'ailleurs, depuis que je suis en poste aussi, à titre bénévole, j'accompagne une personne âgée, et c'est vrai qu'à chaque fois que je reçois de ces nouvelles, c'est un rayon de soleil dans la journée, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Mes collègues me font la remarque à chaque fois quand elles me voient arriver au bureau, elles me disent « oh, toi t'as reçu un courrier aujourd'hui ». Voilà, et c'est vrai que c'est des petits moments de bonheur qu'on s'offre et qu'on offre aux autres, et ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Oui, ça fait du bien à tout le monde dans ces moments compliqués qui n'en finissent pas d'ailleurs. On parlait des activités, donc là c'est principalement à distance, le téléphone ou les lettres, mais en temps normal, quand la pandémie n'est pas là pour nous enquiquiner, comment les activités, il y a quoi comme activités qui peuvent être mises en place justement pour ces personnes âgées ? Alors nous, au sein en fait de la coopération Mona Lisa Vosges, on a plusieurs actes, on se repose en fait sur plusieurs actes. Le premier, il consiste effectivement à accompagner et à mettre en relation des personnes âgées et des bénévoles, et on prend le soin de créer des binômes qui soient fonctionnels. Mm-hmm. C'est-à-dire concrètement, on met en relation une personne âgée et un bénévole qui habitent proches l'une de l'autre. D'accord. Qui sont sur le même secteur géographique. Pour plusieurs raisons, effectivement pour faciliter les échanges et pour encourager les visites à domicile dès que ce sera possible. Mmh. Et puis également, on se rend compte que les personnes qui vivent proches les unes des autres, eh bien, elles ont souvent un vécu commun. Elles ont en fait une connaissance de leur quartier, elles ont peut-être une personne en commun dans leur entourage ou dans leur relation sociale ou professionnelle. Et ça facilite aussi les échanges. En termes d'activité, en fait, on permet aussi, quand c'est possible, bien sûr, aux bénévoles d'accompagner lors de sorties, lors de promenades, les personnes âgées. On leur permet aussi de les amener à des activités qui sont mises en place par les mairies, par les clubs seniors, par les associations de quartier, pour que ces personnes-là soient en fait encouragées, incitées à sortir de chez elles. Et parfois, il suffit que le bénévole les accompagne une fois ou deux pour qu'ensuite, la personne se dise « la fois d'après, maintenant je connais le chemin, j'ai plus peur d'y aller, je me rends toute seule à mon activité ». On peut également accompagner les personnes pour faire des courses, pour compléter un petit peu le panier à provisions. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui est mis en place. On a certains bénévoles qui nous passent le relais quand ils observent, qu'ils ont aussi ce rôle de veille, quand ils observent une baisse de morale, quand ils observent une perte d'autonomie. Les bénévoles sont des interlocuteurs précieux parce que c'est eux qui vont passer le relais. Donc parfois, nous aussi, on fait l'intermédiation avec des professionnels. Et en fait, on est les premiers à être des lanceurs d'alerte hein, quand on estime que la situation a besoin d'être résolue. Voilà. Voilà, oui. Voilà ce que je peux vous dire dans la relation personnes âgées et bénévoles. Maintenant, nous, au sein de la coopération, on a élargi, on a essayé de réfléchir de manière beaucoup plus transversale en fait à la dynamique qu'on veut mettre en place, notamment dans l'accompagnement des bénévoles eux-mêmes, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain hein, de rentrer en relation comme ça avec une personne âgée, surtout aujourd'hui, puisque comme vous l'avez compris, ça se fait d'abord par téléphone. Donc vous vous imaginez, je vous donne le numéro de quelqu'un, je vous donne son prénom et puis bon bah faut y aller. Donc évidemment on lâche pas nos bénévoles dans la nature, nous on a toute une panoplie d'outils, donc on met en place hein, des formations pour l'instant essentiellement bien sûr avec des outils numériques, hein, via des webinaires, des podcasts, pour donner des outils, pour donner des clés en fait, hein, pour que le bénévole puisse comprendre la fonction qu'il occupe et la posture qu'il doit avoir. Au regard, par exemple, de la famille de la personne âgée, au regard, par exemple, de l'équipe médicale aussi qui peut entourer cette personne pour que le bénévole trouve pleinement sa place et que la communication se fasse avec sérénité. Oui, il y a vraiment un lien avec tout l'entourage de la personne âgée, oui. qui est fait. C'est ça. On a aussi l'occasion de mettre en relation les bénévoles entre eux, et ça c'est extrêmement important, puisque être bénévole au sein d'une coopération comme la nôtre, c'est pas se retrouver finalement tout seul à accompagner quelqu'un parce qu'on s'est dit qu'on avait un petit peu de temps à accorder aux autres. C'est aussi faire partie d'une communauté. Donc on a régulièrement des échanges entre bénévoles avec de la transmission d'expérience, du retour de terrain. Moi j'ai rencontré la même difficulté que toi, je l'ai résolu comme ça. Est-ce que toi, ça peut être utile? Donc nous, on a au sein de la coopération départementale deux animatrices qui ont vraiment cette mission-là de mettre en réseau les bénévoles entre eux et puis de créer des outils d'accompagnement et de fidélisation des bénévoles. Alors ça va de l'atelier sophrologie à un petit journal qui est édité chaque mois, qui peut aussi servir de point de départ d'une conversation téléphonique quand parfois on en a marre de parler de la météo. Voilà, donc on a essayé de réfléchir à tout un tas d'aspects, à la fois très concrets sur le quotidien et puis d'autres un petit peu plus, je vais vous dire, technique sur la question effectivement de la perte d'autonomie, sur les institutions, sur le choix du lieu de vie d'une personne à un moment donné quand on pose la question d'un placement ou non en EHPAD, de l'adaptation du lieu d'habitation pour qu'il reste fonctionnel. Donc on a vraiment essayé de créer des outils pour qu'on puisse, en tant que bénévole, assez vite trouver sa place et puis avoir des sources d'informations au sein des animatrices de la coopération et des autres bénévoles. Et par exemple, si un de nos auditeurs, en nous écoutant, veut devenir bénévole, comment il fait pour vous contacter? Alors, c'est très simple. Un petit coup de téléphone à la coopération, un petit message sur la page Facebook de la coopération, un petit mail. Donc, notre mail, c'est tout simplement monalisavauge, @gmail.com. Et à ce moment-là, vous êtes mis en relation avec soit moi en tant que référente ou mon collègue qui est également référent, soit une de nos deux animatrices. Et nous, on a effectivement, tout de suite, on met en relation les bénévoles avec les personnes âgées qui sont en attente. Puisqu'aujourd'hui, on a un tableau qu'on remplit en temps réel. Donc, je peux vous dire les chiffres de ce matin. On a 24 personnes âgées en attente sur tout le département. D'accord. Pour tout un tas de raisons, la première, c'est qu'effectivement, on n'a pas de bénévoles qui habitent dans leur périmètre, parce que certaines personnes ne savent encore pas si elles veulent une visite ou si elles veulent simplement un appel téléphonique. Et donc, nous, on accompagne aussi la personne âgée dans son choix, dans la relation qu'elle veut établir en fait, avec un bénévole, parce qu'on fait... On fait très attention aussi à l'environnement. C'est pas du tout pareil quand la personne vit toute seule, quand elle est placée en EHPAD, quand elle a une aide à domicile, quand elle a des enfants qui habitent proches ou pas. Voilà. Donc tout ce travail-là, il est fait avec la coopération et on travaille très finement. Les animatrices font un travail vraiment au cas par cas pour mettre tous les ingrédients pour que cette relation-là, elle fonctionne. Parce que l'idée, c'est pas de changer toutes les 3 semaines de bénévoles. Hein, c'est vraiment de créer une relation durable. Oui, c'est qu'il y ait une continuité pour pas non plus perturber la personne âgée qui, exactement, par exemple, toutes les semaines aurait Pierre, Paul, Jacques ouais, au téléphone. C'est vraiment d'avoir un référent et oui, quelqu'un que la personne connaît au fur et à mesure. Que ce soit le bénévole ou d'ailleurs la personne âgée, il y a un lien voilà, qui est fait entre les deux et c'est pour la continuité en fait. Eh bien, c'est tout à fait ça, vous l'avez bien résumé, c'est ça. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect visible de l'iceberg, hein, c'est-à-dire vraiment la partie vivante de la COPE et comment on travaille activement sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Mais la coopération, c'est aussi un vrai travail de mise en relation et de constitution d'un réseau partenarial. Mmh. C'est-à-dire que nous, on va aussi, avec toute l'humilité qu'on a, on se dit qu'on n'est pas les seuls partenaires hein, sur le territoire à travailler sur cette problématique-là. Et donc l'enjeu de la coopération, c'est aussi d'aller vers l'existant, d'aller vers les acteurs qui ont en fait des objets de travail qui sont les mêmes que les nôtres, pour valoriser en fait ce qui existe déjà sur le territoire et pour réussir à dupliquer, à essaimer les expériences innovantes et positives. Donc le réseau partenarial, c'est aussi quelque chose qui est très très important au sein de la coopération. C'est pour ça qu'on va spontanément, nous, à la rencontre des équipes municipales, à la rencontre aussi des salariés ou des bénévoles de structures associatives locales pour leur expliquer ce qu'on fait au sein de la coopération et souvent pour trouver voilà, des projets communs, des points de convergence. Et la coopération, elle a aussi cette mission-là d'insuffler, d'accompagner, de valoriser ce qui se passe déjà. Hein, on n'est pas en train d'arriver avec nos gros sabots en disant on a trouvé toutes les solutions et mettez-vous derrière nous, on a tout compris. C'est oui, pas du tout ça l'ambition. Hein. Voilà. En fait, vous êtes un lien pour essayer de réunir tout ce qui existe déjà et des personnes qui n'oseraient pas ou penseraient pas à contacter telle ou telle structure. Oui. Vous connaissant déjà, après vous pouvez faire le lien justement vers la structure qui permettrait, je ne sais pas, par exemple, de faire les courses pour la personne âgée qui, d'elle-même, n'aurait pas pensé à contacter une structure spécialisée, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont des droits et que parfois, eh bien, elles ne les connaissent pas et du coup, elles ne les font pas valoir. Donc, nous, on a aussi ce rôle-là, vous l'avez très bien dit, hein, d'intermédiaire pour que chaque acteur en fait soit présent, soit actif, soit concerné pour toujours pour améliorer le bien-être et le quotidien des seniors. Voilà. Mais à titre d'exemple, les bénévoles que nous faisons vivre au sein de la coopération, on a pour vocation et pour ambition aussi de les constituer en équipe citoyenne. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe citoyenne, c'est un groupe de bénévoles qui sont en général sur le même périmètre, hein, sur le même territoire. Et l'idée, c'est qu'entre eux, à un moment donné, ils puissent aussi se rencontrer, s'organiser et travailler horizontalement avec effectivement un référent de l'équipe, idéalement une structure porteuse, parce que c'est toujours plus facile quand on sait qu'on peut se rendre dans une salle pour se réunir ou qu'on peut nous prêter un peu de matériel pour une activité, pour une animation. Voilà, donc nous, on travaille aussi sur ce type-là de cordeaux, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a deux animatrices sur tout le territoire, donc elles ne peuvent pas être partout, tout le temps. Mm-hmm. Et l'ambition de ces équipes citoyennes, c'est de s'assurer qu'à un moment donné, il y a un ancrage territorial et qu'il y a une équipe qui fonctionne. Et en fait, nous, on vient ensuite régulièrement rencontrer l'équipe, mais on sait qu'à un moment donné, sur ce territoire-là, voilà, il y a quelque chose qui vit, qui est actif et qu'on peut à un moment donné aller vers d'autres territoires qui ont besoin d'un accompagnement plus fréquent. Mmh. Et comment on peut expliquer le fait que les personnes âgées ne connaissent pas totalement leurs droits ou les aides qui peuvent leur être attribuées? Comment ça se fait qu'on ne connaît pas ça vient d'où en fait ce problème? Alors là, vous m'ouvrez sur un débat que je pourrais vous faire une thèse là-dessus. Il y a tout un tas de faisceaux, en fait. Hein. Il y a des faisceaux culturels, il y a des enjeux générationnels. Il y a des personnes qui, toute leur vie, se sont débrouillées, finalement, ont trouvé leurs propres ressources. Et en fait, l'indépendance et la dignité, c'était des valeurs qui étaient très fortes. Qui sont toujours très fortes. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens finalement qui s'adaptent, qui s'en sortent tout seuls, qui se disent je m'en sors bien, j'ai besoin de rien. Et donc finalement, elles s'interdisent par méconnaissance, mais elles s'interdisent d'accès à des droits parce que on est dans aujourd'hui peut-être encore il y a une génération de personnes qui se sont habitués, qui se sont... je sais pas trop comment vous tournez ça, parce qu'en plus, moi, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas sociologue, mais c'est simplement des retours de terrain. Mais qui n'osent pas, c'est ça? Qui n'osent pas, oui, qui n'osent pas, tout simplement. Qui disent, j'ai besoin de rien, laissez-moi tranquille. Donc nous, on fait aussi face parfois à ce genre, évidemment, de réaction. Ça demande de la pédagogie, ça demande de la patience. C'est pour ça que je vous dis que les relations, elles s'installent dans le temps. Mmh. Dans la confiance mutuelle. Et puis, c'est avec une rencontre, avec un déclic, avec un petit encouragement, que la personne en face se dit, finalement, peut-être que ça serait bien d'avoir, je vais vous dire un exemple comme ça totalement hypothétique, une baignoire adaptée, ce serait bien d'avoir une alarme à domicile pour pouvoir appeler quelqu'un en cas de problème. Mais effectivement, nous en plus, on est un acteur de cette problématique-là, on n'est pas le seul. Les familles aussi, évidemment, ont à cœur de s'occuper de leurs personnes âgées et trouvent elles-mêmes des solutions. Et parfois se disent, mais nous, on n'a pas besoin d'un bénévole qui va venir là, nos papy-mamies ont leur téléphone. Donc on arrive avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de douceur. Dans des situations, parce qu'on parle quand même de l'intimité des personnes, donc il ne s'agit pas de donner comme ça des choses de manière descendante et de dire si, vous devez prendre quelqu'un pour venir vous aider. C'est pas comme ça qu'on arrive dans la vie des gens. Je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est une question de fond ce que vous soulevez. Et ça fait complètement partie de nos réflexions. Oui, on a aujourd'hui des gens qu'on appelle les invisibles, des gens qui ne sont pas connus. Des dispositifs d'aide à domicile qui sont pas connus des mairies ou des CCAS parce que elles ont jamais effectivement nécessité d'accompagnement et qui pourtant sont d'un âge élevé. Et puis nous, ce qu'on dit aussi, c'est on n'est pas forcément là pour on n'a pas nous un regard sur la santé, c'est pas ça nous notre accompagnement, c'est un accompagnement social avant tout. Et donc finalement avoir un appel, avoir savoir que quelqu'un pense à nous de temps en temps, c'est déjà énorme. Et puis l'idée, c'est pas de venir bousculer le quotidien ou les habitudes de vie de la personne ou d'être moralisateur ou donneur de leçons. C'est pas ça du tout. Oui, parce que pour les personnes âgées qui sont encore entourées de leur famille, ça va. Ces personnes peuvent trouver des solutions d'elles-mêmes. Je vais prendre par exemple mon cas avec mes grands-parents, par exemple. Ils ont 90 ans. On leur a fait venir une femme de ménage, on s'occupe de leurs courses, donc ça va. Mais pour des personnes âgées qui n'ont pas des membres de leur famille à côté ou même qui n'ont plus de famille, parce que ça arrive malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué. Ces personnes sont vraiment seules et là n'ont pas de moyens de trouver des démarches. Donc c'est là que vous intervenez et que vous pouvez vraiment aider ces personnes en fait. Voilà. Donc nous, au sein de la coopération, on a une vingtaine en fait de signataires qui sont membres en fait du comité de pilotage. Et donc effectivement, on agit sur plusieurs problématiques. On a par exemple Vogelis qui est signataire. Mmh. On a les petits frères des pauvres. On a l'UDAF. On a plusieurs CCAS. On a des centres sociaux. Donc en fonction de la problématique, finalement qu'on va pouvoir observer, on a des partenaires à l'intérieur de la COPE qui vont pouvoir tout de suite agir et prendre la situation en main. Donc effectivement, la face visible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'accroche d'un bénévole qui va prendre un contact téléphonique ou courrier ou physique quand ce sera possible. Mm-hmm. Mais derrière, il y a effectivement une ingénierie qui permet de déployer en fait des outils, d'amener des solutions. Et en fait, les personnes qu'on accompagne, C'est complètement complémentaire de ce que les familles vont pouvoir aller chercher comme solution. Hein. On a, nous, des familles aussi qui nous sollicitent en disant, bah voilà, j'ai mes parents qui sont vieillissants, qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui? Voilà. Oui, donc voilà, tout ça, c'est complémentaire, en fait. On est tous acteurs voilà, d'un grand sujet, hein, qui est comment accompagner nos seniors dans un mieux vivre. Nous, on est une partie de la solution, mais en fait, tout le monde a une partie de la solution. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est bah, finalement valoriser ce qui existe, faire connaître les différentes options, et puis voilà, être facilitateur, en fait. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait des bénévoles, et il me semble que vous avez des postes de service civique à pourvoir. Alors, on va en parler. À Radio Gémozo, on prend des services civiques, et c'est vrai que... Bah, on pourrait se dire que la période actuelle pourrait faciliter l'embauche de services civiques, mais pas forcément. Donc voilà, on va en parler ensemble. Donc c'est deux postes, hein, c'est ça? Oui, au sein de la coopération, on a effectivement la possibilité d'accueillir deux, voire même jusqu'à quatre services civiques par an. D'accord. Parce qu'en fait, on bénéficie... D'un agrément au sein donc de la Ligue de l'enseignement, et on a aussi un agrément au sein de la Fédération des associations ADMR. Donc on a tout au long de l'année effectivement des postes enfin des missions en fait hein, de service civique. Alors encore une fois, moi je suis très très attentive à ce que les jeunes qui postulent aient la possibilité vraiment de co-construire leur mission avec tout et d'avoir un parcours de volontariat qui leur ressemble et qui leur permette réellement voilà, de découvrir évidemment ce qui se passe au sein de la coopération, mais plus largement de découvrir aussi le département, de découvrir la question de l'intergénération et puis bah, de se construire eux finalement une expérience de vie, hein, un service civique, c'est surtout ça que moi je veux mettre en avant. C'est pas un stage. Non, c'est vrai. Je suis pas là pour les préparer à je sais pas quel métier. C'est une rencontre, voilà. Et ce sont des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de transmettre leur passion. Donc là, à titre, par exemple, à titre des voilà d'exemple, nous on cherche aujourd'hui des jeunes qui sont passionnés par le numérique, qui auraient envie de transmettre leur passion aux plus âgés, parce qu'on s'aperçoit que forcément, avec le contexte actuel, le numérique, ça peut être un outil aussi hein, de lutte contre l'isolement. Et on se rend compte que beaucoup de personnes se disent, voilà, c'est la solution, on va tout faire en distanciel, et comme ça, hop, plus d'isolement, et que c'est pas du tout aussi simple que ça en a l'air. Non, bah non, surtout pour les personnes âgées. Et ben voilà. Donc on aimerait, nous voilà, favoriser effectivement cet échange-là intergénérationnel, permettre de la transmission de savoir. Et puis, ben, à l'inverse, on valorise aussi les savoirs des seniors autour de tout un tas de projets intergénérationnels. Et l'idée, c'est d'être dans cet échange-là et d'être dans une rencontre mutuelle et dans un enrichissement mutuel. Donc si vous avez entre 16 et 25 ans, si vous êtes passionné... et que vous avez envie de transmettre votre passion, si la question voilà, des seniors vous intéresse et que vous avez envie de rencontrer des gens d'une autre génération que la vôtre, si vous voulez participer à une coopération à une dimension départementale qui a aussi un réseau partenarial important, et bien rejoignez-nous, appelez la coopération. Ben voilà, c'est parfait. C'est des contrats de combien de mois? Alors le service civique il peut varier entre 6 et 9 mois en fonction de la mission et en général c'est un service civique de 24 heures hebdomadaires. Mmh. Donc voilà, ça laisse le temps aussi de faire autre chose à côté, oui. Hein, ce qu'on peut préciser pour les jeunes. Voilà, c'est pas c'est pas des gros contrats, voilà, c'est 24 heures par semaine. Donc voilà, si on fait sur 4 jours, bah voilà, ça fait 6 heures par jour sur 4 jours. Donc ça vous laisse en plus un week-end, pourquoi pas de 3 jours à côté. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis pareil, en termes d'ancrage territorial, nous on agit sur la totalité hein, du département, même si le siège est à Épinal, on a des partenaires partout en fait dans les Vosges. Donc on peut aussi travailler un service civique en intermédiation et permettre à un jeune d'agir sur son territoire de proximité au sein d'une structure proche de chez lui. Voilà, ça c'est aussi important, on n'accueille pas que des gens sur Épinal. Oui, en plus ça pourrait aider par exemple des jeunes qui n'ont pas le permis de conduire. Oui. Voilà, ils ne s'arrêteraient pas à se dire mince, c'est à Épinal, j'ai pas de moyen de transport, ça va être compliqué. Mais voilà, il y a des structures peut-être à côté de chez eux et ils pourraient oui. travailler éventuellement dans cette structure. C'est ça. D'accord, ben c'est parfait. On va faire un petit point sur les événements qui seraient à venir. Alors, si le contexte sanitaire le permet, bien sûr. Oui. Vous auriez quoi comme événement à venir au sein de la coopération ? Alors, nous, au sein de la coopération, l'événement, je veux dire, le temps fort annuel, c'est notre journée départementale. L'année dernière, elle s'est passée en visio principalement. Mmh. Cette année, on aimerait pouvoir la faire en présentiel. J'espère, on croise encore les doigts. Le temps fort annuel, c'est la journée départementale, hein, qui permet de faire un bilan de l'année et puis d'inviter tous les partenaires et de valoriser en fait la force du réseau. Mmh. Et puis l'année dernière, on avait également eu l'occasion d'accueillir des bénévoles lors d'une table ronde et c'était aussi pour nous une richesse d'avoir des témoignages directs comme ça de gens qui peuvent raconter leur expérience de bénévole. On a donc ce temps-là, j'espère, se passera à l'automne prochain. On a de toute façon aussi plusieurs actions là qui vont se dérouler, qui se déroulent en ce moment. Parce que la coopération, on travaille, comme je vous le disais, bien sûr, sur la relation entre un bénévole et une personne âgée. Mmh. On travaille sur l'accompagnement et la formation des bénévoles. Donc on a pratiquement toutes les 3 semaines une visio qui permet aux bénévoles de communiquer entre eux et de communiquer avec les animatrices du territoire mmh. sur des thématiques très très concrètes sur comment accompagner une personne âgée, comment l'aider à trouver son sommeil, toutes des petites questions comme ça qui sont des retours d'expérience. Il y a également 2 fois par mois des ateliers de sophrologie. Mmh. Moi, je suis en train de mettre en place un programme de webinaire aussi pour pouvoir amener des éléments un petit peu d'information et de formation auprès des bénévoles. Et puis, on a une animatrice également qui agit très, très régulièrement en faveur du lien vers les scolaires. Donc, il y a une opération là qui est lancée en ce moment qui s'appelle les cartes de la fraternité, où les enfants des écoles primaires écrivent une carte et puis l'envoient à la coopération. Nous, on fait le lien avec les bénévoles qui donnent ces cartes-là aux personnes âgées qu'elles accompagnent. Et les personnes ont l'occasion, du coup, de répondre aux enfants et comme ça, de créer une correspondance. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez chouette parce qu'on a des enfants de petits, quoi, des 6, 7, 8, 10 ans, des jeunes collégiens aussi. On a aussi l'occasion d'animer et d'accompagner des initiatives auprès des jeunes collégiens et lycéens qui veulent s'investir dans des projets intergénérationnels. On a là dans un lycée un groupe de jeunes filles qui s'est constitué en junior asso autour de cette thématique-là. Enfin voilà, donc on a tout un tas de choses qui sont à la fois en direction des adultes, mais aussi en direction des plus jeunes et des enfants. Et puis, je suis persuadée que nos futurs services civiques vont nous trouver tout un tas d'actions et d'activités super à mettre en place. Eh ben, on croise les doigts. C'est parfait. Est-ce que vous avez autre chose à aborder dont on n'aurait pas parlé et qui vous semble essentiel ? Parce que bon, c'est un vaste sujet, hein, on pourrait en parler très longtemps. Mais voilà, est-ce qu'il y a comme ça quelque chose qui vous vient, qui serait important et qu'on n'aurait pas abordé ? Je voulais simplement souligner que cette coopération, elle est financée par le département et par la CARSAT Nord-Est. Et donc, c'est quand même important de les citer et de les remercier pour le soutien financier qui nous amène et qui permet effectivement de mettre en place et de déployer tout ce qu'on a réussi à créer sur le territoire. Voilà. Et puis simplement faire aussi un appel à toutes les structures qui le désirent, qui ont envie d'un accompagnement ou qui ont mis en place une initiative et qui ont envie de la faire connaître, voilà, de nous contacter au sein de la coopération Mona Lisa Vosges. Ah bah c'est parfait, je vous remercie beaucoup Émilie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, très bonne journée à tous, au revoir. Vous voulez contacter la coopération Mona Lisa ? Eh bien, le courriel, c'est monalisavauge@gmail.com. Le numéro de téléphone, c'est le 03 29 69 64 62. Et Mona Lisa Vauge se situe au 3 Terre Chemin de la Belle au Bois Dormant à Épinal.